بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث 82 كتوادجم حديث. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، أشار بيده إلى أنفي واليدين وركبتين وأطراف القدمين. دونك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما dit que le message d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: il m'a été ordonné de me prosterner sur sept ossements, sur le front et en indiquant également avec sa main le nez. Et ensuite, il a dit les deux mains, c'est-à-dire les deux paumes des mains, et les deux genoux, et le bout des deux pieds, c'est-à-dire ça équivaut aux deux gros orteils, le bout des orteils. Naam. Yaqul fadilat al-shaykh de l'Uthaymeen al-Rawi ou Abdullah ibn Abbas ibn Abdelmuttalib al-Hashimi al-Qurashi. Donc le rapporteur, c'est Abdullah ibn Abbas, qui est le cousin du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. بعد هذا قال موضوع الحديث بيان الأعضاء التي يزجد عليها. Le hadith a pour thème de démontrer sur quels ossements doit-on se prosterner, lorsqu'on se prosterne, quelles sont les parties du corps qui touchent le sol. يقول في الشرح الإجمالي يخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بأن الله أمره أن يكون السجود أن يكون السجود على سبعة أعظم من الجسد حتى يشمل السجود أعالي الجسد وأسفاله وأعدلك طيب أعضاء كسبه وسعيه فيكمل ذله وعبادته لله عز وجل. Donc là, dans ce hadith là, le Nabi صلى الله عليه وسلم nous informe par le biais d'Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, que Allah lui a ordonné que sa prosternation se fasse sur sept ossements de son corps. C'est-à-dire que cette prosternation va englober la partie supérieure inférieure de son corps. Cela va concerner la tête, cela va concerner également les mains, cela va concerner les genoux et cela va concerner les pieds. Afin qu'il soit encore plus humble devant son Seigneur et que son adoration soit plus complète. قال وقد أجمعها النبي صلى الله عليه وسلم ثم فصلها ليكون أبلغ في حفظها وأشوق إلى تلقيها. Donc au début, le Nabi صلى الله عليه وسلم, il a dit, première partie dans le hadith, il a dit ça de façon globale, sept ossements. Ensuite, il a détaillé quels sont sept ossements pour que cela soit plus influent et plus facile à mémoriser et plus par la suite motivant à accomplir, à appliquer. Faqala ala jabha, en premier lieu, il a dit le front. Wa ashara bi yadihi ila anfihi liyubayyana al-anf aduun mustaqil. Et ensuite, il a indiqué son nez pour montrer que le nez est un ossement, un membre à part. Après, il a dit wal kaffayn wa rukbatayn wa atraf al qadamayn. Après, il a dit après les deux mains, c'est-à-dire les paumes des mains, wa rukbatayn, les deux genoux, et atraf al qadamayn, ce qui équivaut aux deux gros orteils, l'extrémité des gros orteils sur le sol. Wa kada. يقول في فوائد الحديث سليمان جل الحديث وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة لأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم به ويلجب جبهة ويتبعه الأنف والكفان وركبتين وأطراف القدمين. Donc là, ça montre que la prosternation doit se faire obligatoirement sur ces sept membres, sept ossements plutôt, et cela sous l'ordre d'Allah Azza wa Jal, de son prophète à son prophète صلى الله عليه وسلم, qui sont le front suivi du nez ensemble, ensuite les deux paumes des mains, ensuite les deux genoux et ensuite le bout des deux pieds. ثانياً الحكمة في التشريع الإسلامي أن هذه الأعضاء جوارح العمل الظاهر فالسجود عليها ذلالة ما فهمش كلمة ذلالة إذلالاً نعم إذلالاً لله رب العالمين. Donc cela montre la sagesse qu'il y a dans la législation islamique du fait que ces justement membres, ces ossements cités là, ce sont les membres par lesquels on fait les actes. Par exemple, la tête, ce qui englobe les yeux, les oreilles et la bouche. Après les mains, ce qui inclut avec elles les bras, les genoux, ce qui inclut avec elle, les jambes ainsi que les pieds. C'est avec cela qu'on agit. Donc, afin que tout cela se soumette l'Illah Azzawajal. Afin que tout cela se soumette l'Illah Azzawajal. Naam. Fa bidakad naktafi, walhamdulillah bil alamin.